Dans ma vie, je fais du bien, du mal. Tu me vois gentil, mais parfois le chétan s'installe. J'avoue péter les plombs, mais ceux qui me connaissent savent comment je suis au fond. Excusez-moi tous ceux que je ragale, c'est la vie qui nous rend comme ça. Espèce de lopsa, quand je suis né, on m'avait pas prémédité ça. Si j'avais su que c'était aussi dur de se faire une place ici, j'aurais peut-être mieux travaillé à l'école. J'avoue maintenant, c'est dur d'éviter la tôle. La tentation prend le monopole. Rien dans les poches, que des plans dans la tête. J'ai des poches sous les yeux, à force de penser, je dors plus. Écris mon vécu sur des pages blanches ici. C'est la routine qui nous emmanche. La seule personne qui me résonne, c'est la daronne. Pour elle, j'essaie de garder le cap. Mais c'est dur, lâche un fauve dans la nature. Tu verras de quoi il est capable. À mon âge, j'ai faim de bonheur, mais pas n'importe quel prix. Je veux pas le payer de ma vie. Écartez-vous de ma route, ou je vous graille tel un macroute. Ça lève à tous ceux qui ont touché là-bas en croûte. Et au moins, osez tenter. Même passer du mauvais côté. À eux, respect. Venu au monde pour le bonheur de nos parents, arrive en pleurs, on repartira sûrement en rampant. La vie plein de coups durs, c'est sûr, mais bon, faut pas rester là à se lamenter, car tôt ou tard, la mort viendra nous chercher. Plus le temps passe, plus on se rapproche de nos derniers jugements. Alors je fais ma route et ça, peu importe ton jugement. J'ai connu des vrais, des gens qui ont le cœur sur la main, ceux qui avec rien. T'invites à faire un festin, évidemment, y'a aussi des putains, c'est vos tours qui te regardent avec des dollars dans les yeux. Prêt à tirer dessus pour 1000 eux. Dès que t'es plus rentable, ils te regardent de travers. T'inquiète, j'ai des yeux dans le dos, alors je protège mes arrières. Entre eux et moi, je pose des barrières. La galère a fait de moi ce que je suis. Plus enrichi que Bill Gates, j'ai déjà beaucoup appris de la vie. Pour moi, le rap, une thérapie, toute expérience est bonne à apprendre. Ça fait plaisir que tu restes là à m'écouter. T'inquiète, cherche pas avant de décéder, mais à te faire comprendre qui je suis. Avant de décéder, je vais laisser une trace de mon passage ici. Venu au monde pour le bonheur de nos parents, arrivé en pleurs, on repartira sûrement en rampant. La vie plein de coups durs, c'est sûr, mais bon, faut pas rester là à se lamenter, car tôt ou tard, la mort viendra nous chercher. Plus le temps passe, plus on s'approche de nos derniers jugements. Alors je fais ma route et ça, peu importe ton jugement. Les années qui me restent à vivre, je compte les consacrer à la famille, moi-même, les poteaux, tous ceux qui sont dans mon cœur. Ils sont pas rentrés par erreur, alors franchis pas le code de l'honneur, touche pas à la famille, sinon dans mes yeux tu verras la fureur. Et une fois le système engrangé, tu peux plus faire marche arrière. Mais au monde, pour le bonheur de nos parents, arrive en pleurs, on repartira sûrement en rampant. La vie plein de coups durs, c'est sûr, mais bon, faut pas rester là à se lamenter, car tôt ou tard, la mort viendra nous chercher, plus le temps passe, plus on se rapproche de nos derniers jugements. Alors je fais ma route et ça, peu importe ton jugement. J'ai souvent joué avec le feu, me suis relevé, maintenant je sais ce que je veux. Mes erreurs passées, je peux pas les renier, l'erreur est humaine, là pourtant ne pas faire deux fois la même. Trop joué avec les sirènes de police, en suis sorti indemne. D'ailleurs je traîne plus, car dans la rue y'a trop de vices. Venu au monde pour le bonheur de nos parents, arrive en pleurs, on repartira sûrement en rampant. La vie plein de coups durs, c'est sûr, mais bon, faut pas rester là à se lamenter, car tôt ou tard, la mort viendra nous chercher. Plus le temps passe, plus on s'approche de nos derniers jugements. Alors je fais ma route et ça, peu importe ton jugement.